Ça tchou ou quoi? La du monde! Dans la zone, chacun sa quiche. Y'a eu des traîtres, des traîtres, des traîtres. Ils ont merci, rien. Hey, la famille, c'est pas la capitale. Hey, merci la famille. Les gars, et pour le J, allez, allez. Tout le monde. Et pour le J, allez, allez. Tout le monde. Et pour le J, allez, allez. Tout le monde. Et pour le J, allez, allez. Tout le monde. Et pour le J, allez, allez. Merci à tous. Merci à tous. L'équipe attendait. Attendez. Gigi là. Incroyable. L'équipe. Il y a des bigots. Ça vous a plu la bande organisée? Ok. Ouais. Donc s'il vous plaît, faites du bruit pour Kof. Faites du bruit pour Nantes. Faites du bruit pour le S. Okay. On va passer bientôt. Faites du bruit pour Sosa. Faites du bruit pour Sol dans les humains. Faites du bruit pour elle. Faites du bruit pour Warizo. Un maximum de bruit pour ma bande organisée. Marcel bébé. Et un maximum de bruit pour le J, s'il vous plaît. Ça va péter. Okay. Ça va péter à Marseille. Merci. Merci. L'équipe. Ça va péter tout ça. Bon. C'est en train de péter, ça va péter encore plus fort. Le J. Soyez à l'affût. Vu qu'on est à la maison, on peut leur faire une dernière ou pas? Allez, vas-y. La famille, venez, faut que ça tremble jusqu'à Paname. Ok, la famille? C'est pas la capitale. Qui sont pas marseillais. Au revoir. Les gars, s'il vous plaît, on fait attention à la vie de ma mère. Vas-y, avancez les gars, putain, Zach. Avancez les gars, faites attention à la vie de ma mère. 7 euros d'essence, il a mis 7 euros d'essence. Ne tombe en panne, frérot. Fais attention à la Twingo, tu la feras tomber dans le public. On n'est que le premier rang. Si on n'est que le premier rang, ça va aller ça. Sur le toit, la Twingo. Vas-y, la Twingo. La Twingo sur le toit. Tourne, Zach. On a tout raté le concert, la vie de ma mère. On a tout raté. Poussez les frères, poussez. On a tout raté. On l'a poussé. La Twingo, Zach, t'as tout niqué. 7 euros d'essence. 7 euros d'essence, on est tombé en panne sur le jarret. On a tout raté. Les Brésiliennes, il y avait des Brésiliennes. Il y avait des strings. On a tout raté. Wesh, Marseille, ça va? Ça va le sang? On est venu, on a tout raté. On a ramené une petite surprise. On a ramené toute la famille. Vas-y, sortez le magot. Pour Dieu, les amis. Les disques d'or. Les disques de platine. Les doubles platines. Pour Dieu, s'il vous plaît. Ramenez le magot. Les frérots, c'est mieux que le ballon d'or, ça. Ça va, mon Samaras. On est là. Il y a tous les disques. Disque de platine, double platine, triple platine, quadruple platine, le million, le streaming, le stringing. Marseille, je vous entends pas. à la vérité. Vous savez quoi? Celle-là,